Chapitre 2. Mort de Pinget. J'ai une mort de plus à mettre ici, mais c'est une belle mort. Je veux parler de celle du père Pinget. Il y avait 4 ans que nous étions ensemble quand je vis qu'il s'affaiblissait. Il avait de moins en moins sa tête. Or, un soir qu'il était assis devant le fourneau, c'était au commencement de l'automne et il faisait déjà frais, je l'entends tout à coup qui disait quelque chose. Je prête l'oreille, il disait « ça ne va plus ». Il ne me regardait pas, il ne semblait parler que pour lui-même, mais il y a des choses qui ne trompent pas. Le reflet du feu l'éclairait. Je jetai un coup d'œil sur sa vieille figure, pas plus grosse à présent que le dessus du poing. La peau pendante de son cou, ses petits yeux gris pleins de brume qu'il tenait fixés devant lui, et je compris qu'il disait vrai. Pourtant, comme c'est l'habitude, j'essayais de le tromper, je me mis à rire. « Qu'est-ce que vous avez ce soir, père Pinget ? Est-ce la soupe qui ne passe pas ?» Il secoua la tête. Il se fit un petit bruit dans son gosier, comme quand l'eau revient dans le tuyau d'une fontaine. Puis les mots, un à un, tombèrent. « Je le sens bien, ça ne va plus. Voulez-vous vous coucher ?» Il me dit. « Ce n'est plus la peine. » Puis il se tut, parce que ses forces étaient épuisées. Il se tenait accoudé sur ses genoux, tout son corps porté en avant. De temps en temps, il avait un tremblement dans les jambes, alors on voyait bouger aussi les plis de son cou. Il toussa 2 ou 3 fois, il respirait avec difficulté. Mais de nouveau le petit bruit se fit entendre, qui était signe qu'il allait parler. Je m'approchai de lui. « Est-ce que tout est bien en ordre sur le papier ?» Il entendait le papier que nous avions fait lors de notre association, et par lequel il me cédait ses droits sur la baraque en échange de mon avance d'argent. « Tout est en règle, lui dis-je, ne vous inquiétez pas. » Il eut l'air content. « J'ai une nièce à Saint-Paul, une nommée Marie Pinget. Il faudra lui écrire. Oh, ça n'est pas pressé, elle habite trop loin. Quand vous aurez le temps ?» Je m'étonnais qu'il dît des choses si sensées et qu'il pensât ainsi à tout. Je me disais, c'est mauvais signe. L'eau chantait dans le coquemar. « Voulez-vous que je vous porte dans votre lit? Vous y seriez mieux qu'ici. »« Je suis bien. Il ne faut pas me toucher. » Je n'avais pas peur. Tout avait un air trop naturel. Je me disais, il faut que ces choses arrivent. Je ne m'en étonnais même pas. Seulement, il penchait de plus en plus, comme quand un arbre n'a plus de racines. Je m'approchai de lui et doucement le redressai. Il se laissa faire. Quand je l'eus ainsi redressé, j'allai prendre un coussin et le lui glissai sous la nuque. La chaise était heureusement une bonne vieille chaise. Il s'y trouvait au large, avec son petit corps. Il bougeait légèrement la tête par moments, s'appuyant tantôt sur une joue et tantôt sur l'autre. Il avait la bouche un peu ouverte, mais ses yeux restaient fermés. Il avait le souffle court et un peu sifflant, comme quand on dort. Véritablement, on aurait dit qu'il dormait. Moi-même, je finis par croire qu'il s'était endormi. Je me dis, j'aurais mal vu, c'est de la fatigue. Et, hésitant encore sur ce que j'allais faire, je n'en songeais pas moins qu'il serait temps pour moi d'aller me mettre au lit. Les vieux, eux, peu importe où ils dorment, ils se trouvent bien partout, ils sont comme les enfants. En sorte que j'étais sur le point de me lever, quand tout à coup il étendit les mains et avec ses doigts il faisait un mouvement, comme pour prendre quelque chose. 2 ou 3 fois ainsi ses mains s'ouvrirent et se refermèrent. Ses paupières battirent, il soupirant, il regardait tout autour de lui comme s'il eût oublié où il se trouvait. Enfin il m'aperçut, il fit un effort, il me dit « Je voudrais boire ». Il ne pouvait plus prononcer ces mots. Il fallait se pencher sur lui pour comprendre. Je me levai et j'allai lui chercher à boire. Puisant dans le seau, avec la casse de laiton, je remplis à moitié un verre. Mais de nouveau ses paupières s'étaient rejointes, il ne bougeait plus. Je lui posai la main sur l'épaule, je lui dis « Père Pinget, voilà de quoi boire ». Lentement, ses paupières se rouvrirent. Moi, j'approchai le verre de sa bouche, prenant soin de le pencher, mais il regardait maintenant en l'air, il ne me regardait pas. Alors ses lèvres remuèrent, et moi, croyant que c'était l'eau qu'elle cherchait, je penchai de plus en plus mon verre, mais il dit « On a fait ce qu'on a pu ». Là-dessus, il sembla que ses mains se cherchassent l'une l'autre, elles se rapprochaient lentement l'une de l'autre, puis s'étant trouvées, se croisèrent, remontèrent le long du corps, se posèrent sur sa poitrine, et sa tête de plus en plus se renversait, en même temps que sa bouche s'ouvrait toujours plus. J'avais posé le verre sur la table, et inquiet maintenant, je continuais à me tenir penché sur lui, appliquant mes deux mains à ses épaules comme pour l'empêcher de tomber. C'est ainsi que je sentis un grand frisson passer tout le long de son corps. Il se raidit, puis il s'affaissa de nouveau, et un instant passa encore, puis, comme quand on tend une corde et on entend grincer les brins de chanvre l'un sur l'autre, ainsi ses vieux muscles secs craquèrent de la plante de ses pieds à son cou. Ses yeux devinrent tout ronds et blancs, sa bouche elle aussi toute ronde, son nez parut encore s'allonger. Il fit un grand effort pour retrouver son souffle. Et pendant ce temps, une vague vint et se brisa sur les galets, une dernière vague pour lui. Mais peut-être ne l'entendait-il même pas, étant déjà fermé aux choses. Et il retomba brusquement. Son menton maintenant touchait sa poitrine, ses mains s'étaient disjointes et pendaient le long de la chaise, tout son corps pencha de côté. Je sus ce que j'avais à faire. Je le portai sur son lit et je lui fermai les yeux, comme on doit. Je lui joignis les mains, comme on doit, et lui rapprochai les pieds, comme on doit. Puis, ayant soigneusement boutonné son col de chemise et le devant de son gilet qui était à demi ouvert, je tirai sur lui la couverture. J'allai regarder l'heure à la montre. Il était 10 heures. Une petite bise s'était levée avec le soir. Elle glissait sur le toit avec un bruit doux et sournois, comme celui d'un chat qui rampe. J'allumai toutes les lumières. Je m'assis au chevet du lit. Chapitre 3. Ce fut mon tour de me trouver un aide. On me donna l'adresse de John. C'est un nom qui se prononce John chez nous, comme s'il s'agissait de la plante. Il travaillait à la boulangerie. Les gens m'avaient dit « Il vous faut toujours essayer d'aller lui proposer la chose. Il a déjà fait le métier. Et puis, il n'a pas tant l'air d'aimer son pétrin. » J'allais à la boulangerie. Il arriva blanc de farine. Mais comme la boulangère est une femme curieuse et que je ne voulais pas qu'elle nous entendît, « Dites donc, dis-je, si on allait jusqu'à l'église, on pourrait causer. » Il y a devant l'église 3 grands tilleuls et de l'espace. C'était ce qu'il me fallait. Pourtant, je baissai encore la voix et m'étant encore rapproché de lui, « Dites donc, est-ce vrai ce qu'on m'a dit, que le pétrin et tout le pétrissage ?»« C'est assez vrai. »« Alors, peut-être bien. Ça vous irait ?»« Assez. À quelles conditions êtes-vous engagé là-bas ?» À point de condition du tout. C'est-à-dire, à la journée. Alors tant mieux, dis-je. Écoutez. Je lui expliquai la chose. Je lui dis mes conditions. On était toujours les deux sous les tilleuls. De temps en temps, une feuille tombait et on l'entendait racler au passage la dure corne des écorces, faisant un petit bruit qui cessait aussitôt. Mais à chacune qui venait, on apercevait un peu plus de ciel. L'hiver est la saison du ciel. Moins il est beau, plus il se montre. Il ne disait toujours ni oui ni non, ce n'est pas chez nous l'habitude. Il faisait simplement des gestes avec ses bras, les écartant de chaque côté de ses cuisses, et puis les laissant retomber. Ce ne fut que comme j'allais partir qu'il se décida à parler, « Eh bien, on essaiera. » La phrase ne fut pas longue, comme on voit. Il n'en a pas moins essayé, il a même si bien essayé, que nous ne nous sommes plus quittés. C'est un grand diable d'au moins 6 pieds de haut, large en proportion, mais très maigre. Il se tient tout voûté, en sorte que ses mains lui viennent aux genoux. On ne peut pas dire qu'il marche, il a une façon de jeter au hasard ses jambes devant lui, qui fait croire qu'à chaque pas il va tomber, pourtant il ne tombe jamais. Il semblerait du moins qu'il doive aller très vite. Ce n'est pas le cas, il ne va pas plus vite que n'importe qui d'entre nous. C'est lui qui rame quand on sort avec le bateau, et il rame comme il marche, c'est-à-dire en se démenant terriblement. On voit son dos tout en largeur, tour à tour s'arrondir et se creuser sous la chemise. Il souffle, il soupire, il transpire, on dirait que les rames vont casser dans sa main. Je lui dis quelquefois « Doucement, Jean !» Il se retourne, l'air de me dire « Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?» Et je n'insiste pas. Est-ce qu'il me comprendrait seulement ? Et ne faut-il pas aussi que chacun suive sa nature ? C'est lui qui couche maintenant dans le lit du père Pinget, pas que le matelas soit un peu court pour lui, et ses pieds dépassent. Mais il les enveloppe dans 2 couvertures, il dit, comme ça, ils sont en même temps au chaud et à l'air. En tout cas, ce lit trop court ne lui a pas fait perdre le sommeil. C'est plutôt moi qui l'ai perdu, tant il ronfle. À peine a-t-il fermé les yeux que la machine se met en mouvement. Et jusqu'au matin, ça n'arrête plus, ça ne fait que changer de note. J'ai beau siffler, comme on dit qu'il faut faire, il ne semble pas sensible au sifflet. J'ai beau le réveiller, sitôt rendormi, la musique recommence. Et qu'il soit couché sur le dos, sur le côté droit, sur le côté gauche, ou bien sur le ventre, on ne voit pas de différence, il n'y a qu'à se résigner. Ce que j'ai fait, et puis l'habitude est venue. À présent, ça me manquerait. D'ailleurs, il fait ce qui lui plaît. Je lui ai dit, tu me dois tant d'heures d'ouvrage. Pour le reste, tu es libre. J'ai tenu parole, il en a profité. Personne n'est plus indépendant que lui. Il aime à flâner, il flâne. Il reste des heures couché dans le sable, regardant en l'air. Les moineaux des saules le connaissent bien. Et ce qui le connaît aussi, c'est les grenouilles des marais. Mais elles ont de lui une moins bonne idée. Il n'est friand de rien autant que de ses plats de cuisses qu'il fait sauter au beurre le dimanche pour son dîner. Ou bien il va chercher des escargots sous les feuilles. Il a sa vie, j'ai la mienne, ainsi on ne se gêne pas. Quand on a envie de parler, on parle. Quand on n'en a pas envie, on se tait. Un drôle de corps, ce garçon. Il n'est jamais fatigué. Depuis qu'il est avec moi, il n'a pas vieilli de 8 jours. Seulement sa figure, sa poitrine et ses bras, à force de cuire au soleil, ont pris avec le temps une couleur de vieille pipe, tandis que ses cheveux de plus en plus tournent au clair, redevenus blancs par contraste, comme au temps qu'il était garçon boulanger. Il m'a dit l'autre jour, la seule chose qui me chicanerait, ce serait d'être enterré dans un cimetière en pente. Je lui ai demandé pourquoi, parce que j'aurais peur qu'il se trompe debout, et j'aurais la tête plus bas que les pieds. Il m'a fait rire, tu es fou. Est-ce que tu crois que le fond du trou est en pente, comme le reste? Il m'a dit, j'ai cru. J'ai cherché à le rassurer, et puis tu sais, quand on dort bien. Le nuage est venu, il n'a pas touché la montagne. Il y en a qui restent accrochés aux rochers, mais ceux du haut de l'air ne se doutent même pas de la présence de la roche, tellement ils sont au-dessus d'elle et la surpassent dans leur vol. Ainsi celui qui est venu, ayant tout à coup gonflé, il a jeté une grande ombre. Il s'est fait comme une grande île d'ombre dans le lac, et dans le ciel alors on a vu cette autre belle île, toute blanche, celle-là. C'est l'heure où je vais à la gare porter mon poisson, parce que j'ai trouvé un marchand de Genève qui me prend toute ma pêche. C'est un arrangement qui nous va très bien, à lui comme à moi. À lui, parce qu'il peut être sûr qu'il a toujours du poisson frais, à moi, parce que ma vente est assurée. Je prends sous mon bras le grand panier carré à couvercle, je me mets en route. Pendant que je suis loin, Jean vide le bateau, met sécher les filets. C'est moi qui me charge de l'expédition, il est trop insouciant. Il n'arriverait jamais à l'heure. La gare est un peu en dehors du village parce que la ligne évite le bord du lac à cause des courbes qu'il fait. Il y a le chef de gare, il me signe mon carnet. On voit sortir là-bas, de derrière le talus, un panache de fumée blanche. Puis au tournant, le devant noir de la locomotive apparaît. Et pendant que les freins grincent, je cours vite au fourgon. On me connaît au fourgon. Le conducteur sait qui je suis. Le serre-frein à blouse bleue se penche par l'ouverture carrée où il y a une barre d'appui. « Ça a bien mordu cette nuit ?»« Mordu » n'est pas tellement le mot qui convient quand il s'agit de poissons pris au filet, mais il n'y regarde pas de si près. Comme ça, dans les 5 kilos. On voit descendre un commis voyageur ou bien un marchand de bétail, qu'on reconnaît à sa canne à lanière de cuir et à son nez en bec de perroquet. Ils sont tous juifs dans le métier. Le chef de gare se tient au garde-à-vous, à côté de son tonneau de laurier rose. Tout est prêt, le conducteur siffle en levant le bras. On entend éternuer la locomotive, quelque chose craque dans le dessous des wagons. Les tampons s'entrechoquent, mais au même moment, une forte tension se fait et on n'a pas changé de place que le train a disparu. Par politesse, je reste à causer un moment avec le chef de gare. Il habite au-dessus de la salle d'attente avec sa femme et ses enfants. Il a 2 chambres et une grande cuisine. Il est bien. Il aime les fleurs. Il y en a des quantités autour de la gare, tout un massif de géraniums, des pétunias, des reines marguerites. Mais de quoi il est le plus fier, c'est encore de ses lauriers roses. Ils ont des troncs comme le bras. Il paraît qu'il faudrait aller loin pour en trouver des pareils. et comme il a pris l'habitude de se l'entendre dire, quelque chose à présent lui manque quand le compliment ne vient pas. J'ai soin de le lui faire aussi souvent qu'il faut, il en est tout réjoui. Devant nous, les vergers descendent en pente douce, avec, par-ci par-là, un lent renflement de terrain, et le lac, on ne le voit pas, parce que caché derrière, mais tout le ciel en est éclairé. C'est une lumière d'en bas qui se mêle à celle d'en haut. Elles se heurtent l'une à l'autre, luttant ainsi par les beaux jours. Je prends par les sentiers pour redescendre, et ma pipe tire bien. Le chant de l'alouette me fait lever la tête. Ce n'est plus tout là-haut qu'un petit point gris qui s'agite, comme pendu au bout d'un fil. Je rencontre Gros Betty, qui rentre de son champ, où il a été voir si la moisson n'est pas bientôt mûre. Nous faisons un bout de chemin ensemble. Cela nous amène à la tuilière. Les ouvriers tuiliers apportent sur l'oiseau les briques qu'ils rangent, l'une à côté de l'autre, comme des livres dans une bibliothèque. Il y en a ainsi des lignées et des lignées, avec entre elles des couloirs, le tout à l'abri d'un large avant-toit. On se sent bien, tout est au travail, mais c'est un travail pas forcé, qui vous laisse du temps de libre et la liberté de souffler un peu si l'envie vous en vient. On peut même y prendre plaisir, en sorte qu'il y a malgré tout de la gaieté dans l'air, et quand le village apparaît, le village fait plaisir à voir. Les maisons sont bien alignées, avançant vers vous leur petit jardin, avec des tournesols et des passes roses. Par places, des lessives sèches. Le vent en passant les soulève, et on dirait des mains qui agitent des mouchoirs. Toutes les personnes que je rencontre me saluent. Je suis bien avec tout le monde, je cause avec qui veut causer. Quand je vois quelqu'un d'occupé à un ouvrage, je m'informe de son ouvrage. Il ne faut pas avoir l'air détaché des choses si on veut qu'on tienne à vous. C'est ainsi que Bingeli m'a expliqué l'autre jour tout le fonctionnement d'une pompe à purin qu'il a fait poser à côté de sa courtine. Et le fils de l'ancien syndic Joyet, qui est paralysé des jambes, m'a appelé pour me montrer une ruche d'Adam qu'il a fabriquée lui-même, ne pouvant travailler au champ. Quelquefois, on me demande des conseils. Quand je peux, je les donne, puis j'entre à la boutique faire mes provisions. Je m'y arrête un moment. Madame Emery, en effet, est une femme renseignée et qui sait beaucoup d'histoire. Ça sent chez elle le savon, la ficelle et la poussière. Elle a une grande balance d'autrefois à plateau et à chaînette de cuivre, avec un fléau d'un mètre de long. De quoi elle vend le plus, c'est du sucre. Après le sucre, le café, et après le café, les pâtes. Il entre tout le temps des clients qui se mêlent à notre conversation. Aujourd'hui, par exemple, c'est la vieille Janie qui est entrée. Elle venait acheter du thé pour son mari. Elle nous a dit qu'il avait la fièvre. Alors, pour se guérir, il voulait transpirer. Mais c'est de la bourrache qu'il lui faut prendre. Elle a secoué la tête. Il ne veut pas en entendre parler. Eh bien, du sureau, ça revient au même. Il ne veut pas en entendre parler. Sa tête fait angle, droit avec son corps, et, comme son cou s'est noué, il n'y a plus que ses yeux qu'elle puisse bouger encore quand elle veut vous regarder. Elle élève vers vous, tournant vers vous leur partie d'en haut, tirant en arrière la peau de son front et ses grosses paupières plissées. Néanmoins, c'est tout juste si elle parvient à vous voir. « Oh » a-t-elle repris, « vous n'imaginez pas ce qu'il est têtu, mon mari. C'est même pénible à mon âge. Je cède pour avoir la paix. Il ne veut pas entendre parler d'autre chose que de thé noir, du thé de Chine. J'ai eu beau lui dire qu'il ne faisait pas transpirer, il s'obstine. Il m'a dit, il y a le goût. C'est qu'il est gourmand. Il n'en a encore bu qu'une fois chez le pasteur, un jour qu'il avait été tailler les rosiers. Il faut croire que ça redemande. J'ai dit, voyez-vous, les remèdes, ce qu'ils ont encore de meilleur, c'est le plaisir qu'on trouve à les prendre. Il n'y en a pas beaucoup de cette espèce. Faites-lui son thé, puisqu'il y tient tant. Croyez-vous, m'a-t-elle dit, c'est que j'ai peur que ce ne soit cher. Madame Emery est intervenue. Je n'ai que la meilleure qualité du souchong. Il vaut 4 francs la livre, mais je peux vous en donner la quantité que vous voudrez. La vieille génie a pris son porte-monnaie, elle l'a ouvert avec précaution. Elle s'est mise à tourner et retourner le peu de pièces qu'il contenait, 3 ou 4 peut-être en tout, et sûrement pas des pièces d'argent. Enfin, elle a dit, « Eh bien, donnez-m'en pour 10 centimes. »« Pour 10 centimes, voyez-vous, je ne peux pas. Vous n'auriez même pas de quoi vous en faire une tasse. » J'ai bien cru qu'elle allait pleurer. Une petite toux l'a prise. « Et pour 20, est-ce que vous pourriez ?» Madame Emery a eu pitié d'elle. Pour 20 centimes, elle lui a rempli tout un cornet. Je m'étonne d'être aussi calme. C'est depuis le soir du jeu de quilles, quand j'étais assis sur les traverses par où la boule redescend, et je venais de tomber sur la route, et je tenais ma tête dans mes mains. Tout à coup, il se fit un décrochement en moi, comme si les fruits mûrs tombaient tous ensemble de l'arbre et les branches se redressaient. C'était le soir du jeu de quilles, je me disais, tout est fini. Je m'étais mis à hocher la tête, je me répétais, tout est fini. Mais c'est souvent quand on se croit perdu que le salut est le plus proche. Et cette fin qu'on croit voir devant soi n'est alors qu'un commencement. Je ne m'en doutais pas encore ce soir-là, étant assis, comme j'ai dit, et où j'allais aboutir, je ne le voyais pas encore. Il faisait doux, je me rappelle, une étoile tremblait au ciel. C'était un soir comme les autres soirs, sauf que j'avais un peu trop bu et que j'avais mal à la tête. Et du temps encore à passer, et puis brusquement je me suis levé et je n'étais plus le même homme. Et voilà, enfin, j'étais moi. J'avais pensé, va trouver le père Pinget. J'ai été, comme on a vu, il y a eu le père Pinget dans sa bicoque, on a causé, j'ai relevé la tête, les vagues continuaient à venir, un morceau de verre brillait parmi les cailloux ronds dont la rive est bordée, avec un peu de sable aussi, et c'était comme si j'entrais seulement dans la vie. Il m'y a fallu du temps, je sais bien, puisque c'est même là toute mon histoire. Mais est-ce qu'il est jamais trop tard ? Chaque pas que j'ai fait a été comme quand, avec les yeux, on va d'une lettre à l'autre dans les livres. Prises séparément, elles ne sont rien, et les mots eux-mêmes ne sont rien. On doit aller jusqu'au bout de la phrase. C'est au bout de ma route que le sens est venu. Je ne savais pas aimer. Il a fallu que j'apprenne. Quand j'ai su, c'était trop tard. Cela s'en était allé loin de moi, qui aurait eu besoin de moi et de ma science nouvelle. Je ne trouvais plus que le vide, là où ils avaient habité. Il n'y avait plus que du silence, là où avait été leur voix. C'est comme ça, et je pensais ton erreur était d'attendre tous deux, quand ils attendaient tout de toi. Mais j'ai redressé la tête. Perdu, ai-je pensé, rien n'est jamais perdu. Tu dis qu'ils sont partis, regarde seulement en toi. Tâche de montrer qui tu es. Et puisque tu prétends que tu vaux mieux qu'avant, tâche de le prouver, que tu vaux mieux qu'avant. Sans quoi, on dira que tu as menti, et on aura raison de le dire. Alors, je me suis penché sur moi, et j'ai vu qu'ils étaient vivants, comme quand il y a du brouillard dans les bois, et d'abord on ne voit que le contour des choses. Ainsi, des formes vagues se sont d'abord montrées, et je ne reconnaissais rien, mais tout à coup, le soleil apparut, une déchirure s'est faite, et c'était comme si les morts se secouaient de leur linceul, et ils se redressaient devant moi. « Ah, c'est vous, ai-je dit ?» Et eux, ils disaient, « Ah, c'est toi ?» Je n'ai pas su aimer à temps, c'est vrai, mais à présent j'aime en arrière. Ce passé qui n'est plus est repris jour à jour. Ce qui n'a pas été assez vécu est revécu. Les mots qui n'ont pas été dits, alors qu'ils étaient nécessaires, ils me viennent en foule à la bouche. Et eux, n'est-ce pas ? Ils m'entendent, eux, à qui je m'adresse, en me tournant vers eux, avec tous ces mots doux. Ils revivent aussi par cette voix que je leur prête. Et eux, ils me prêtent la leur, et je suis en eux, et ils sont en moi. J'ai tout accepté, je suis libre. Les chaînes du dedans sont tombées, et celles du dehors aussi. On se tend les bras, on se parle, on est ensemble. Il fait soleil par le lac où je suis avec mon bateau, et les gens sur la rive, quand ils regardent de mon côté, me voyant penché sur l'eau bleue qui brille, « Tiens, disent-ils, voilà Belet qui surveille son poisson. » C'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est sur une autre eau que je me tiens penché, quoique tout aussi bleu et tout aussi limpide, maintenant que le vent qui l'avait un instant troublé est complètement retombé. Mais j'ai besoin d'être seul. C'est pourquoi je vais ainsi au petit débarcadère et j'amène à moi la chaîne et je fais tomber le crochet. Je m'assieds sur le banc du milieu, j'empoigne les rames, je tire dessus de tout mon poids, me renversant. Et eux, alors, là-bas, n'est-ce pas, ils m'attendent, et je me dis bien qu'ils me voient venir. La terre m'a quitté avec tout ce qui est petit. Je laisse derrière moi ce qui change pour ce qui ne change pas. Que je me tourne seulement un peu, et la rive disparaît tout entière, il ne reste plus que le ciel et l'eau. Encore est-ce la même chose à cause de l'image des nuages renversés qui se balancent autour de moi, et ce bleu aussi renversé par quoi elle a une couleur. Il n'y a plus de différence en rien, tout se confond, tout se mêle. Est-ce au-dedans de moi ou au-dessous que je regarde? Mais ils sont là et je les vois. Je ne suis plus jaloux. Eux, ils n'ont plus peur. Au lieu de reculer, ils se soulèvent sur le coude. Moi, je me penche encore un peu. Ils sont tous là, comme je dis. C'est ma chère maman qui est morte quand j'étais petit, et je l'appelle encore maman comme quand j'étais petit. C'est Monsieur Loup qui a été bon pour moi et pour qui je n'ai eu que de l'ingratitude. C'est Adèle, la pauvre Adèle. C'est le petit Henri que je n'ai pas su aimer quand j'aurais dû et que je n'ai pas su le retenir près de moi quand j'aurais dû. Alors il est sorti de la vie. Mais c'est surtout toi, Louise, parce que tu es quand même parmi tous et toutes la plus chère et douce à mon cœur. Toi non plus, je n'ai pas su t'aimer, du moins comme il aurait fallu ou comme tu aurais voulu. Je t'ai aimé à ma manière, non à la tienne. Je n'ai jamais pu m'oublier. Et ainsi tu te tourmentais, cherchant à me cacher ta peine, mais je le voyais bien quand même. Et c'était vers la fin, tu sais, pourtant tu ne te plaignais pas. Mais tu es là, et il n'en faut pas plus. Vois-tu, tout est changé, je ne suis plus le même. Je n'ai plus cet air sombre, je n'ai plus ces silences, ce pli entre les yeux. Je suis devenu le vrai Samuel. Je t'aime maintenant, Louise. Et c'est pourquoi plus rien ne nous sépare, quand je regarde ainsi et me penche vers toi et vers tout mon passé vivant, et cette eau claire où tu te tiens. Et je dis, souris-moi, parce que tu sais toi aussi, et toi aussi tu te soulèves. Il me semble que je te vois monter hors de la profondeur vers moi. Je me penche davantage, tu t'élèves toujours plus, et nos lèvres alors se touchent, et ma main va dans tes cheveux. Car tout est confondu, la distance en allée et le temps supprimé. Il n'y a plus ni mort ni vie, il n'y a plus que cette grande image du monde dans quoi tout est contenu, et rien n'en sort jamais et rien n'y est détruit. C'est un degré de plus, il faut encore le franchir, mais on voit devant soi se lever ce visage qui est le visage de Dieu. Lui aussi, j'ai appris à l'aimer et à le connaître. Je sais qu'il est tout et qu'il est partout, et c'est lui seul maintenant qui demeure. Mais tout se tient en lui, et je me tiens en lui. Et ceux qui ne sont plus, c'est semblablement en lui qu'ils se tiennent, ne pouvant pas en être détachés, de sorte que plus que jamais nous sommes frères, étant chacun de nous un morceau de l'ensemble, et un peu de Dieu quand même, en ce sens. Quand je rame dans mon bateau, c'est en lui que je m'avance. Quand j'aborde à la rive, c'est à lui que j'aborde. Il est en haut, en bas, à droite, à gauche, il est ici, il est là-bas, il est cet arbre, il est la montagne, le lac n'est qu'un morceau de lui, le soleil, un morceau de lui, et tout n'est qu'un morceau de lui, jusqu'à la navette affilée tombait, jusqu'au caillou que la vague arrondit. Qu'importe alors mon existence et le peu que je suis, limité dans ma chair, qu'elle cesse mon existence, je rentre dans l'autre existence. Elle est petite, il y a la grande, et mourir, c'est remonter. Je me dis, je remonterai, et je suis tranquille. La nuit peut venir sur mon être, je sais que la lumière ne s'éteindra jamais pour les parcelles de mon être. Et cette poussière de mon être, qui a été serrée ensemble, et au jour qu'il faudra s'éparpiller de nouveau, comme ces bons hommes debout que font les enfants quand il pleut. Il ne me reste qu'à attendre et à vivre de mon mieux jusqu'au terme fixé, car l'essentiel est qu'il faut vivre quand même, et il faut mourir encore vivant. Il y en a tant qui sont déjà morts quand la mort de la chair vient les prendre. Ils sont morts dans leur cœur depuis longtemps déjà, quand arrive la mort du corps, et c'est sur ce cœur que je veille, afin qu'il dure jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est le 20 septembre, et voilà mon cahier fini, l'encre elle-même tire à sa fin. C'est ici une dernière page que j'écris, regardant par la fenêtre la ligne bleu foncé que fait le lac, un peu au-dessus de l'autre rive qui est cachée. On distingue plus haut les carrés verts des prés, les carrés jaunes des champs de froment, les espèces de nuages frisés que font les bois aux verdures gonflées, et tout en haut alors les rochers de Mémise brillent comme du verre à cause d'un grand soleil. Il fait très chaud depuis quelques jours, c'est pourquoi les garçons le soir viennent se baigner sous les saules. On les entend qui rient en tapant l'eau à tour de bras. Ils font d'ailleurs plus de bruit qu'autre chose. Ils ne sont pas tant courageux, les garçons de chez nous, à peine s'ils savent nager. Ils sont comme Jean, ils aiment leurs aises, mais Jean les aime encore plus qu'eux. Il vient d'arriver du village avec, sous son chapeau, une grande feuille de rhubarbe qu'il avait cueillie dans un jardin en passant. Elle lui pendait tout autour de la tête comme un béguin de vieille femme. Je me suis mis à le plaisanter. Qu'avez-vous à rire, vous? Est-ce que je n'ai pas le droit, si le soleil me tourmente, de prendre mes dispositions? Il a ainsi ses mots, je ne l'ai pas contrarié. Jean, lui ai-je dit, tu as bien raison. J'ai appris à ne plus me plaindre, là est la grande vérité. À quoi il faut tâcher surtout, c'est de ne pas ressembler à Borloo, qui vient de passer, et il caressait son cheval. Il riait tout seul, il était heureux, il tirait son chapeau aux arbres, il semblait enchanté de tout. Mais c'est qu'il avait trop bu, et le vin tourne court chez lui. À peine m'avait-il dépassé que je l'ai vu qui s'arrêtait, son cheval s'est arrêté lui aussi. Et, se tenant à côté de sa bête, il a levé les bras en l'air, il les a rabattus, il s'est serré la tête dans ses poings, je l'ai entendu qui jurait, il s'est mis à dire « Ah, mon Dieu, quelle misère! Tout pour les autres, rien pour moi !» Il a craché par terre, il a recommencé, une vallée de larmes. Mais ce n'est encore rien quand on peut pleurer. Moi, mes yeux sont vides d'eau, ils sont crevassés en dedans comme la terre par le sec. J'ai beau peser dessus, rien ne sort. Et il me brûle, je voudrais me les arracher. Tout à coup, il a retrouvé devant lui sa bête qu'il avait sans doute oubliée pendant ses discours qu'il tenait. C'était une brave vieille jument blanche, le poil comme du gazon sec, les jambes faussées aux genoux, avec des mouches plein les yeux. Il l'a regardée. Tout à coup, il s'est mis en colère. « Charrette, a-t-il dit, est-ce juste ça? Tu es logée, nourrie, habillée, pas un souci, pas un chagrin. Et moi, je crève de misère. Est-ce juste qu'il a dit ?» Il a pris son fouet par le petit bout, il lui a tapé sur la tête. Elle ne bougeait toujours pas, étant habituée au coup. Mais de voir qu'elle ne bougeait pas, cela l'a mis encore plus en colère. « Ah, nom de Dieu » a-t-il crié, « je m'en vais t'en donner ta part !» Il a recommencé à taper. « C'est ainsi que sont les hommes. Ils devraient se battre eux-mêmes, et ils battent leur cheval. » Ici se termine « Vie de Samuel Bellay » par Charles Ferdinand Ramu, enregistré par Christiane Johanne.